psaume numéro 9a. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon droit et ma cause, tu as siégé, tu as jugé avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, tu as rasé des villes, leur souvenir a péri. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion. Annoncez parmi les peuples ses exploits. Attentif au sang versé, il se rappelle. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur. Vois le mal que m'ont fait mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes de la mort. Et je dirai tes innombrables louanges aux portes de Sion. Je danserai de joie pour ta victoire. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu. Leurs pieds se sont pris. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu le jugement. Il prend les méchants à leur piège. Que les méchants retournent chez les morts, toutes les nations qui oublient le vrai Dieu. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. Lève-toi, Seigneur, qu'un mortel ne soit pas le plus fort, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Seigneur, que les nations se reconnaissent mortelles.